بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، nous débutons بإذن الله la traduction de cette conférence sur le commandement du bien et l'interdiction du blâmable de l'éminent savant Salih Al-Fawzan. Le shir, qu'Allah le préserve, a commencé par louer Allah et prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit: ce sujet est un sujet très important. Il parle du commandement du bien et de l'interdiction du blâmable, de son importance, de ses règles et de son impact. Le shir dit: je ne pense pas que l'on puisse traiter complètement le sujet, mais on fera en fonction des possibilités. Ensuite, il dit: mes frères, le commandement du bien et l'interdiction du blâmable est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. C'est un fondement parmi les fondements de la croyance, car c'est un outil pour réformer la communauté, pour réformer ce qui s'y passe comme contradiction et comme acte non convenable. C'est pour cela qu'Allah a décrété le commandement du bien et l'interdiction du blâmable, pour réformer ce qui se passe dans la communauté comme manquement dans la conduite, le comportement et les actes. C'est une chose très importante. C'est pour cela qu'Allah y a encouragé dans sa parole: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Ainsi que dans sa parole: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Ils ont obtenu la réussite pour ce qu'ils ont réformé dans la communauté musulmane. Allah a mentionné concernant les communautés précédentes que parmi eux, certains commandaient le bien et interdisaient le blâmable, et il a fait leurs éloges. Il a dit, après avoir mentionné leurs défauts: لَيْسُ سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier ordonnent le convenable, interdisent le blâmable. Donc, parmi leurs attributs, le fait qu'ils commandent le bien et interdisent le blâmable. Comme ce qu'Allah a mentionné concernant les gens du samedi parmi les enfants d'Israël. Ceux auxquels Allah interdit la pêche le samedi, car c'est le jour où ils se concentrent sur leurs adorations. Il leur a donc interdit de pêcher le poisson ce jour-ci et les a éprouvés par le grand nombre de poissons présents ce jour-ci. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. Leurs poissons venaient à eux, faisant surface au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas le sabbat. Ceci était une épreuve venant d'Allah Azza wa Jal pour les éprouver dans ce qu'il leur a ordonné et leur a interdit. Mais lorsqu'ils ont vu le grand nombre de poissons, ils en ont eu envie, alors qu'Allah leur a interdit de les pêcher. Donc, qu'ont-ils fait? Ils ont utilisé la ruse. Ils ont creusé un trou au bord de la mer et ont placé des filets. Et lorsque l'eau arrivait avec les poissons tombaient dans ce trou et se faisaient attraper par les filets. Puis, ils restaient dedans jusqu'à ce qu'arrive le dimanche et que se termine l'interdiction. Alors, ils les ramassaient. Ils ont donc rusé avec le jugement d'Allah. Parmi ceux qui étaient présents parmi les enfants d'Israël, certains les ont blâmés, d'autres se sont tus et d'autres ont ramassé les poissons. Ensuite, le cheikh Hafizullah a mentionné ce verset: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Et quand parmi eux une communauté dit: pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Ils répondirent: pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, et peut-être craindront-ils. Ceux-là les ont blâmés et ont été sauvés. Le deuxième groupe, quant à lui, n'était pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais ne les ont pas blâmés. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de bénéfice dans le fait de les blâmer. Ils ont dit « لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا » Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Ceux qui les ont blâmés leur ont répondu « مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ » Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, et peut-être craindront-ils. La personne ne doit pas désespérer des bons résultats qu'apporte le commandement du bien et l'interdiction du blâmable. Peu importe l'importance des contradictions et leur nombre, celui qui commande le bien et interdit le blâmable ne désespère pas. Il ne doit pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice dans cela. La moindre des choses est qu'il innocente sa personne, et il y aura des gens qui l'écouteront. Ensuite, le shir a mentionné la fin du verset « Ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqoon falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhawna anissu' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsuqoon » Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, et peut-être craindront-ils. Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ce qui leur avait interdit le mal, et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Allah a mentionné qu'il a sauvé ceux qui interdisaient le mal. Ceux qui ont interdit le blâmable ont été sauvés. Et il a également informé qu'il a châtié d'un châtiment douloureux ceux qui ont désobéi pour leurs actes pervers, et le refuge est auprès d'Allah. Mais il n'a pas parlé de ceux qui n'ont pas interdit le blâmable. Nous ne savons donc pas s'ils sont parmi ceux qui ont été sauvés ou parmi ceux qui ont été anéantis. Et ce qui est apparent, et Allah est plus savant, c'est qu'ils sont parmi ceux qui se sont fait anéantir. Et Allah les ressuscitera au jour de la résurrection selon leurs intentions. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la mère des croyantes l'a interrogé en lui disant « Allons-nous être anéantis alors qu'il y a parmi nous des vertueux ?» Il a dit « Oui, s'il y a beaucoup de mal. » Ils seront anéantis ainsi que les vertueux qui se trouvent parmi eux et ne les blâment pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également été interrogé à propos de l'armée qu'Allah engloutit sous terre, alors qu'il y a parmi eux leur peuple, leurs employés et des gens qui ne font pas partie d'eux. Il a dit « Il leur arrivera ce qui arrivera aux autres. » Ensuite, Allah les ressuscitera au jour de la résurrection selon leurs intentions. Et lorsqu'Allah a mentionné dans la sourate Hud ce qui est arrivé aux communautés précédentes qui ont mécru en Allah et désobéi aux messagers, il a mentionné ce qui leur est arrivé comme anéantissement, destruction et châtiment, puis il a dit « فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ » Si seulement il existait, dans les générations d'avant vous, des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Si seulement il y avait dans les générations d'avant vous, c'est-à-dire celles qui ont été détruites. Si seulement il y avait parmi eux des gens qui commandaient le bien et interdisaient le blâmable. « Illa qalilam mimman anjayna minhum » Il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes. Peu d'entre eux seulement interdisaient le blâmable. Car le bien est toujours présent par la grâce d'Allah. Le bien est présent, peu importe l'augmentation du mal, le bien est présent. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ Alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. Cela prouve que s'il y avait parmi eux des gens qui commandaient le bien et interdisaient le mal, il ne leur serait pas arrivé ces destructions et ces anéantissements. Donc, le commandement du bien et l'interdiction du blâmable est une protection. C'est une protection pour la société contre l'anéantissement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné un exemple sur ce sujet, sur celui qui respecte les limites d'Allah et celui qui les dépasse. Il a donné l'exemple d'un groupe de personnes sur un bateau dans la mer. Certains d'entre eux se trouvaient en haut et d'autres en dessous d'eux. Ceux qui se trouvaient en dessous devaient monter en haut pour prendre de l'eau. Alors ils se sont dit entre eux, Pourquoi ne ferions-nous pas un trou pour ne pas déranger ceux qui sont au-dessus? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, s'il les avait laissés, ils auraient tous péri, ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont au-dessous. Car si l'eau rentre dans le bateau, il coule. Donc, s'ils les laissent, ils couleront le bateau. Leur intention était de ne pas déranger ceux qui sont au-dessus. Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. S'ils les avaient laissés faire ce qu'ils veulent, ils auraient tous péri. Mais s'ils les prennent par la main, ils survivront tous. Et c'est ainsi qu'il faut prendre par la main le contradicteur, faible d'esprit, pour ne pas qu'il périsse et fasse périr autre que lui. Ceci est un exemple clair pour le commandement du bien et l'interdiction du blâmable. Dans cet exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé qu'il ne fallait pas délaisser les gens du mal, car si on les laisse, ils seront la cause pour que toute la société soit détruite. Il est obligatoire aux gens doués de raison et aux gens de science de prendre par la main les faibles d'esprit, par compassion pour eux contre l'anéantissement et par compassion envers la communauté. Donc, le commandement du bien et l'interdiction du blâmable est une protection pour la survie de toute la communauté. Et le fait qu'il ne soit pas présent laisse présager la destruction de toute la communauté. S'il n'y a personne qui commande le bien et interdit le mal, toute la communauté sera détruite, le vertueux et le mauvais. Le vertueux, car il n'a pas interdit le blâmable, et le mauvais à cause de son péché. Le shir, hafidhahullah, dit qu'il faut donc obligatoirement commander le bien et interdire le blâmable dans la société. Il faut obligatoirement que cela soit présent dans la société. Mais reste à savoir quelle est la voie empruntée pour commander le bien et interdire le blâmable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné cela et l'a éclairci. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui voit un faible amable, qu'il le corrige avec sa main. S'il n'en a pas les capacités, qu'il le corrige avec sa langue. Et s'il ne le peut pas, alors avec son cœur. Et cela est le minimum qu'impose la foi. Et dans une version, il n'y a pas après cela un grain de foi. Donc, celui qui ne blâme pas le blâmable, en fonction de ses capacités, n'a pas de foi dans le cœur. Car s'il avait dans son cœur de la foi, il aura réprimandé le blâmable en fonction de ses capacités. Et Allah n'impose pas une âme plus que sa capacité. Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le corrige avec sa main, cela est pour ceux qui ont de l'autorité. Ils corrigent le blâmable avec leurs mains. Également, ceux qui sont envoyés par le gouverneur pour commander le bien et interdire le blâmable. Ils corrigent également le blâmable avec leurs mains. Et personne ne doit s'opposer à eux. Mais si la personne n'a pas d'autorité, elle corrige le blâmable avec sa langue et non avec sa main. C'est-à-dire qu'elle interdit aux gens et les met en garde. Elle leur explique que cela est blâmable et que c'est interdit. Si elle a de la science et qu'elle voit le blâmable, il ne lui est pas permis de se taire. Elle doit expliquer aux gens, les appeler à Allah, les mettre en garde contre le châtiment, les encourager à se repentir, leur expliquer que cette chose est interdite et dangereuse. Ceci est une chose, mais elle doit également contacter ceux qui détiennent l'autorité, les informer du blâmable, de l'endroit où il se trouve et de ceux qui le commettent. Elle ne doit pas se taire. C'est comme si tu voyais un départ de feu sur un palmier. Vas-tu te taire? Si tu te tais, il va tout détruire. Donc, tu te dépêches d'appeler les pompiers et tu ne te tais pas. Et les péchés et les désobéissances sont pires que le feu. Il est donc obligatoire que tu informes ceux qui détiennent l'autorité pour qu'ils fassent partir ce mal. Tu ne dois pas te taire et dire que ça ne te concerne pas. Si, ça te concerne. Tant que tu es capable de réprimander le blâmable avec ta langue et d'informer les responsables en leur parlant, en leur téléphonant ou en leur écrivant, alors il t'est obligatoire de le faire. Mais si tu n'as pas la possibilité de faire cela, car tu n'as pas la connaissance du blâmable et des règles de la législation, ou alors que tu as les capacités de parler, mais que tu en as été empêché, dans ce cas, tu réprouves le blâmable avec ton cœur. Tu es quand même obligé de réprimander le blâmable. Et si tu réprimandes le blâmable avec ton cœur, alors tu t'en écartes et t'écartes de ceux qui le commettent. Tu ne les fréquentes pas. Ne dis pas que tu réprimandes le blâmable avec ton cœur alors que tu les fréquentes. Ceci n'est pas permis. Éloigne-toi de l'endroit où est pratiqué le blâmable si tu n'as pas les capacités de le changer, ni avec ta main, ni avec ta langue. Écarte-toi de cet endroit et des gens qui le pratiquent pour être préservé. C'est pour cela qu'ils ont dit « Est perdu celui qui ne réprimande pas le blâmable avec son cœur. » Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il n'y avait pas après cela un grain de foi. Donc, les choses sont ordonnées. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le shir, qu'Allah le préserve, dit ensuite « Quelles sont les conditions requises pour celui qui commande le bien et interdit le mal ?» Il dit qu'il y a trois conditions. La première, avant qu'il ne blâme. La deuxième, pendant qu'il blâme. Et la troisième, après le blâme. Il faut donc faire attention à ces conditions. La première, avant le blâme, est qu'il ait de la science, qu'il connaisse ce qui est mal et ce qui est bien. Il faut qu'il ait de la science concernant ce qu'il ordonne et ce qu'il interdit. Il ne doit pas faire cela par ignorance, car il pourra interdire une chose permise ou permettre une chose interdite. S'il donne des fatwas sans science, il se nuira à lui-même et nuira aux gens. Il faut donc qu'il ait de la science concernant ce qu'il ordonne et ce qu'il interdit. Et le bien, c'est ce qu'Allah a ordonné. Tout ce qu'Allah a ordonné est convenable. Et le mal, c'est tout ce qu'Allah a interdit. Tout ce qu'Allah a interdit est blâmable. Il doit donc connaître les ordres et les interdictions. Il faut obligatoirement remplir cette condition avant de blâmer. Quant à la condition requise pendant le blâme, c'est de faire cela avec douceur et compassion. Il ne doit pas être dur et violent. Il doit être doux et ne pas s'énerver s'il voit une chose qui lui déplaît. Il faut qu'il soit doux et qu'il élargisse sa poitrine. Car il est comme un médecin qui soigne un malade. Le médecin patiente lorsqu'il voit le malade et la gravité de la maladie. Il y va doucement avec le traitement, petit à petit. De la même manière, celui qui commande le bien et interdit le mal est un médecin dans la société. Donc, il doit être doux et avoir de la compassion. Il doit connaître le traitement correspondant à ce mal. Ceci est pendant le blâme. Il doit adopter ce comportement et ne pas désespérer que ce mal s'en aille. Et au moins, il aura innocenté sa personne. Et le shir a mentionné ce verset « Ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqoon » pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur et peut-être craindront-ils. Il faut qu'il ait une bonne pensée d'Allah et qu'il ait une bonne pensée de ses frères parmi les musulmans. Il ne faut pas qu'ils se mettent en colère et agissent de manière non convenable. C'est pour cela qu'ils ont dit « Il ne faut pas que ton interdiction du blâmable soit elle-même blâmable, et il faut que ton commandement du bien soit convenable. Il ne faut pas que ton interdiction du blâmable soit elle-même blâmable en empruntant une voie non légiférée. Ceci est un mal, et si tu fais cela, tu seras encore pire que celui qui commet le blâmable. Il faut donc que tu sois doux, que tu aies de la compassion, et que tu empruntes la voie légiférée pour interdire le mal. » Il faut que tu penses du bien, que tu aies du recul et que tu aies de la compassion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné qu'il y avait deux hommes parmi les enfants d'Israël. L'un d'entre eux faisait des péchés et l'autre était un homme vertueux. Celui qui était vertueux blâmait celui qui faisait des péchés. Il l'a blâmé le premier jour, puis le deuxième. Mais lorsqu'il a vu qu'il s'entêtait dans son péché, il s'est énervé et le refuge est auprès d'Allah. Puis il a dit « Par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. » Il s'est énervé et a désespéré de la miséricorde d'Allah. Et il a dit « Par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. » Allah s'est alors mis en colère contre lui et a dit « Qui jure à ma place que je ne pardonnerai pas à un tel ? Je lui ai pardonné et j'ai rendu vaines tes œuvres. Je lui ai pardonné et j'ai rendu vaines tes œuvres. Celui qui commet des péchés espère la miséricorde d'Allah, malgré qu'il commette des péchés, tant qu'il est croyant. Il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. De la même manière, celui qui interdit le mal ne doit pas penser du mal de lui. Il ne doit pas être sûr qu'il ne se repentira pas et qu'Allah ne lui pardonnera pas ses péchés. Ceci est un mauvais comportement envers Allah et un mauvais comportement envers ton frère qui commet des péchés. C'est ton frère, même s'il commet des péchés, tu dois avoir de la compassion avec lui. C'est ainsi que tu dois être lorsque tu interdis le mal. Quant à ce qui concerne la condition requise après avoir interdit le mal, c'est la patience face à ce qui t'arrive lorsque tu interdis le mal. Tu vas être éprouvé par des mauvaises paroles. Il est possible que tu sois menacé, que tu te fasses taper et que tu te fasses blesser, mais tu dois patienter. Tu ne dois pas dire « je les délaisse » car ils n'acceptent pas. Tu dois patienter dans le commandement du bien et l'interdiction du blâmable. Si tu n'as pas de patience, tu ne pourras pas continuer dans cette voie. C'est pour cela que Luqman a dit à son fils, lorsqu'il lui a donné des recommandations, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur. Ô mon enfant, accomplis la prière, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans chaque affaire. Celui qui commande le bien et interdit le mal a besoin de patience, car celui qui n'a pas de patience ne peut pas persévérer dans le commandement du bien et l'interdiction du blâmable. Il faut donc obligatoirement être patient, patiente face à ce que tu endures venant des gens lorsque tu leur ordonnes et leur interdis, patiente face à ce que tu endures comme acte et comme parole. Ne désespère pas et ne délaisse pas le commandement du bien et l'interdiction du blâmable, peu importe ce qu'il t'arrive, car tu seras récompensé, tu es dans le bien, et ce que tu endures est dans le sentier d'Allah, et c'est écrit parmi tes œuvres. Tu ne sais pas, il est possible que celui que tu blâmes devienne ton ami. Puis le shir a mentionné ce verset, « Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun hamim » وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu as vu une animosité devient-elle un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Et dans la sourate Al-Asr, Allah a dit بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps, l'homme est en perdition. C'est-à-dire que chaque homme est en perdition, que ce soit un arabe ou un étranger, un gouverneur ou un gouverné, un riche ou un pauvre, un homme ou une femme, un savant ou un ignorant, chaque homme est en perdition. Sauf ceux qui détiennent ces quatre caractéristiques. La première, Allavina amanu, la foi en Allah. La deuxième, wa amilu salihat, faire des bonnes œuvres. La troisième, wa tawasaw bil haqq, ils se conseillent mutuellement la vérité. Et ceci est le commandement du bien et l'interdiction du blâmable. La quatrième, wa tawasaw bis sabr, ils se conseillent mutuellement la patience dans ce qui leur arrive. Regardez ce qu'a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part des gens, alors que c'est la meilleure des créatures. Mais il a patienté et a continué dans son appel jusqu'à ce que son appel porte ses fruits. Allah a sorti par celui-ci les gens des ténèbres vers la lumière et sa religion s'est répandue en Orient et en Occident. Car il a persévéré dans son appel tout en pensant du bien d'Allah et sans désespérer de leur guider. Un jour, il est sorti de la Mecque avec la poitrine serrée à cause de ce qu'il rencontrait venant de son peuple. Il est sorti et a marché sans savoir où il se dirigeait. L'ange des montagnes lui est alors venu et lui a dit « Je suis un messager de ton Seigneur, envoyé vers toi. Si tu le désires, je renverse sur eux les deux montagnes qui entourent la Mecque. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Non, peut-être qu'Allah fera sortir d'eux des gens qui adorent Allah sans rien lui associer. » Regardez la douceur et la bonne pensée d'Allah et regardez les fruits qu'a apporté le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah l'a décrit par sa parole « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es certes d'une moralité éminente. Donc, celui qui commande le bien, interdit le mal et appelle à Allah a besoin d'un bon comportement pour bien se comporter avec les gens. Allah a dit à son messager « وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Mais il avait un cœur doux, sallallahu alayhi wa sallam, et avait un grand espoir en Allah. C'est pour cela qu'ils se sont rassemblés autour de lui. Et ceux qui lui montraient le plus d'animosité sont devenus à la fin parmi ses plus grands compagnons qui combattent auprès de lui. Et ceci est le résultat de sa douceur, sa patience et sa persévérance dans le prêche. Ils sont devenus parmi ses compagnons rapprochés, parmi ceux qui le défendent et combattent auprès de lui, alors qu'hier, ils étaient ses ennemis, lui disaient des mauvaises paroles, l'insultaient et allaient même jusqu'à le taper. À la fin, ils sont devenus parmi ses plus proches compagnons qui combattaient auprès de lui. Ils ont transporté le prêche après lui, l'ont répandu aux quatre coins du monde et ont combattu dans le sentier d'Allah après sa mort. Tout ceci est la conséquence de ce qu'Allah lui a accordé comme douceur, patience, bonne pensée d'Allah et persévérance. Donc, nos frères qui commandent le bien et interdisent le mal, ceux qui ont été choisis pour cela, ainsi que chacun d'entre nous. Car chaque personne doit interdire le mal selon sa capacité. Car il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voit une chose blâmable, et ce discours est général, il s'adresse à l'ensemble des musulmans. Celui d'entre vous qui voit un fait blâmable, qu'il le corrige avec sa main. S'il n'en a pas les capacités, qu'il le corrige avec sa langue. Et s'il ne le peut pas, alors avec son cœur. Et cela est le minimum qu'impose la foi. Il ne faut pas délaisser les gens et dire qu'il n'y a pas de bénéfice, comme l'ont dit les enfants d'Israël. Non, il ne faut pas désespérer, ni se démotiver. Il faut qu'on s'entraide. Donc mes frères, à qui cette tâche a été donnée, doivent l'accomplir selon la méthodologie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent continuer dans cette œuvre, car ils sont dans le bien. Et les musulmans doivent être derrière eux, les aider et les défendre. Nous ne disons pas qu'ils ne font pas d'erreurs. Ils font des erreurs, car ce sont des hommes. Mais il ne faut pas se servir de leurs erreurs pour les critiquer, les insulter et parler d'eux dans les journaux et autres. Il faut leur chercher des excuses, les aider, les encourager et leur faire part de leurs erreurs. Il rapporte du roi Abdelaziz, rahimahullah, que lorsque quelqu'un venait lui parler de ceux qui interdisent le blâmable, il le redressait durement ou le corrigeait, même s'il était en tort. Ensuite, il convoquait celui qui a commis une erreur en secret pour lui en parler et régler le problème. Et c'est ainsi qu'il faut agir, car ce sont des hommes. Il ne va pas y avoir des anges qui vont descendre pour commander le bien et interdire le blâmable. Non, ce ne sont pas des anges, ce sont vos frères, et ils ne sont pas infaillibles. Mais il faut régler les erreurs en suivant la voie légiférée. Il ne faut pas se servir des erreurs de certains d'entre eux pour les critiquer et parler sur eux, car ceci est la voie des hypocrites. Les hypocrites sont heureux de ce genre de choses. Quant aux croyants, ces choses les dérangent, mais ils les règlent avec sagesse, en s'entraidant et en se conseillant. Car la religion, c'est le bon conseil. Ils ont demandé, envers qui, ô messager d'Allah ? Il a dit, pour Allah, son livre, son messager, ainsi que pour les gouverneurs des musulmans et leur communauté. Il faut les conseiller sans que les gens ne s'en rendent compte. Il faut que celui qui conseille, conseille celui qui a fait l'erreur en secret. Il faut donc qu'on s'entraide avec nos frères qui commandent le bien et interdisent le mal. Nous les conseillons et leur expliquons la voie authentique. Nous leur expliquons les erreurs pour qu'ils cessent de les commettre. C'est ainsi qu'il faut agir, car les musulmans sont comme un seul corps. Si un membre se plaint, tout le reste du corps est touché par la douleur et la fièvre. Et l'exemple des musulmans, dans leur affection et leur miséricorde mutuelle, est à l'exemple d'une construction qui sera fermée entre elles. Ceux qui commandent le bien et interdisent le mal font partie de nous et accomplissent une œuvre énorme. Il faut donc qu'on s'entraide avec eux, avec la science, en les orientant et en leur expliquant les contradictions. Et ceci fait partie de l'entraide avec eux. Il ne faut pas dire que ça ne nous regarde pas, car c'est une obligation qui leur incombe. Il faut que l'on s'entraide avec eux, avec n'importe quel moyen qui les motive et les aide à être droits. Et ainsi se termine la conférence du Shir, Hafizallah, qui l'a terminée en disant « Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. » Qu'Allah nous accorde à tous la réussite dans ce qu'il aime et qu'il agrée, et que la prière d'Allah ainsi que son salut soit sur notre prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons.